De l'huile dans les rouages sur Fadjet. De l'huile dans les rouages, présenté par Noémie. Bonjour Noémie. Bonjour Yves. Et qui, comme chaque semaine, eh bien, nous donne des outils pour comprendre et faciliter la communication les uns entre les autres. La dernière fois, on a parlé de désynchronisation. Oui. Lors de cette chronique, aujourd'hui, on va apprendre un peu à se protéger de l'agressivité. Oui. Alors, agressivité, déjà, qu'est-ce que c'est que l'agressivité? Comment tu le définis? Alors oui, l'agressivité, ça a souvent mauvaise presse. C'est souvent un terme négatif. Hein. Mais en fait, j'aime bien aller à la source des mots. Donc, l'origine latine de l'agressivité, c'est agredior, ça veut dire aller vers l'avant. Et il y a un pendant positif à l'agressivité, c'est-à-dire c'est une force de vie, c'est quelque chose qui nous permet de nous lever le matin. C'est aussi quelque chose qui nous permet de dire stop et ne pas se laisser marcher sur les pieds en fait. Agredior aussi, ça peut décrire le mouvement que fait le bébé quand il naît et qui va vers le sein de sa maman. Donc c'est vraiment qu'est-ce qui nous est vital chez nous et qu'est-ce qui nous fait avancer et qu'est-ce qui nous fait lever le matin. Il y a une agressivité positive. Donc, si quelqu'un est agressif avec nous ou si on est agressif avec quelqu'un, en réalité, c'est qu'au fond de nous, il y a quelque chose de vital qui se joue. Alors, comment on va se protéger de cette agressivité plutôt négative pour le coup? Oui, voilà. Quand elle est négative, quand elle entraîne de la nuisance, quand l'affirmation de soi, ça entraîne nuire à l'autre, ben, on a le droit de se protéger et de refuser ça. Donc, quand on a quelqu'un d'agressif en face de soi, déjà, évitons de dénigrer ce que l'autre ressent, évitons de l'humilier, de dire « calme-toi », comme on a dit la dernière fois. Par contre, on n'est pas dans un endroit où on va pouvoir créer de la collaboration tout de suite. Donc, c'est bien de se protéger. Alors, une des premières choses à faire qu'on peut faire quand quelqu'un est agressif en face de nous, c'est de différer. Dans le milieu professionnel, par exemple, avec un collègue, un client, quelque chose, vous sentez qu'il devient agressif, vous pouvez lui proposer, écoute, je te propose qu'on en parle plus tard, mais on peut proposer, ça sera très rassurant pour l'autre de dire, on prend rendez-vous semaine prochaine, lundi matin, si on arrive à poser tout de suite le rendez-vous, l'autre va être beaucoup plus rassuré. Et donc, différer pour être dans un climat plus apaisé, ça, c'est un premier outil. Que la pression redescende naturellement. Voilà, on se donne les moyens d'être dans des bonnes conditions. Alors, se désynchroniser, justement, comme on disait voilà. Dans la précédente si chronique. L'autre est agité, élève la voix, on fait l'inverse de ce que fait l'autre pour faire redescendre les choses. Peut-être même avant de lui proposer le rendez-vous. On peut faire aussi ce qui s'appelle le disque rayé. Si quelqu'un a des demandes insistantes envers vous et qu'en fait, il est en train de dépasser vos limites, eh bien, vous allez répéter tout le temps la même chose, sans vous justifier. C'est-à-dire, reprenons le contexte professionnel, j'aimerais un rendez-vous entre telle heure et telle heure, vous comprenez, je suis pas disponible. Alors nous, on va pas lui expliquer qu'on a aussi un rendez-vous et qu'on veut aller faire sa pratique sportive hebdomadaire. On va lui dire, ce n'est pas possible. Et on va lui le répéter. Et souvent, au bout de 3 fois, l'autre est séché en face. Ouais. Et on peut finir par se taire ou tourner la tête pour faire un non. Mais le répéter simplement, calmement, ce n'est pas possible. Ou répéter la règle c'est, par exemple, un enfant qui veut acheter un jouet dans un magasin. Non, la règle c'est, tu te souviens, on achète un jouet à Noël, un à ton anniversaire, mais pas là comme ça. Bon, on peut l'écrire sur une liste pour s'en souvenir. La règle c'est, et on le répète calmement. Et ça imprime. Eh bien, en fait, ça désamorce, parce que si on rentre dans la justification, ça entretient encore quelque chose. Il y a cette image de la vitre blindée, c'est quoi? Alors oui, si quelqu'un en face de soi, pareil, est agressif, a des mouvements vifs, des paroles vives, élevées, alors si vous n'arrivez pas à vous désynchroniser, vous pouvez vous aider en vous imaginant qu'une vitre blindée descend de haut en bas entre vous et vous protège en fait. Et du coup, quand derrière cette vitre, il ne peut pas vous toucher, son agressivité ne peut pas vous atteindre et vous n'entendez plus ce qu'il dit. Et donc, c'est un travail d'imagination, mais qui marche au niveau du cerveau. Et donc, vous pouvez même imaginer, pour vous conditionner à ça, que votre pouce touche votre index comme si vous appuyiez sur un bouton. Et en fait, c'est un exercice auquel c'est intéressant de s'entraîner pour se protéger. L'autre, si on n'a pas moyen de se désynchroniser parce qu'on n'est pas dans des conditions pour, par exemple, eh bien, la vitre blindée, c'est pas mal. Ça va vous rafraîchir quand même. Ouais, vous n'allez pas prendre cette chaleur, ce trop-plein qui vient en face et vous allez vous sentir protégé. Et là aussi, comme on le disait dans la précédente chronique, il faut s'entraîner. Il y a des formations pour ça parce que ça ne vient pas de manière naturelle tout de suite. Oui, vous pouvez essayer dans votre quotidien, mais c'est vrai que moi, je vous invite à faire des ateliers ou des formations pour essayer de les pratiquer quelquefois dans un contexte qui est sécure, où c'est pas grave si on rate et où on comprend pourquoi ça a raté en regardant les autres faire ou des choses comme ça. Parce que c'est vrai que c'est pas toujours intuitif de faire ça. Alors, quand on a parlé d'agressivité aujourd'hui, plutôt négative, qui peut être positive mais un peu négative. Donc ça, c'est tout ça, c'est des conflits, c'est de la violence. On peut voir ça dans le milieu professionnel. Tu vas nous en parler un peu la prochaine fois. Oui, la prochaine fois, je vais essayer de clarifier avec vous qu'est-ce que c'est qu'un conflit et qu'est-ce que c'est que la violence. Merci Noémie. Merci Yves. Si vous avez envie que l'on aborde des sujets précis, des questions à poser, des témoignages à partager concernant les outils évoqués, écrivez-nous à contact@fadjet.net.